Ouais. Xia? Qu'est-ce qu'il y a? Mais y a pas moyen de mettre une percussion genre automatique, hein? Un truc régulier. Comme ça, il y aurait au moins